Exercice 4, page 112. Du cuir. Du cuivre. Du bruit. 8 jupes. 8 murs. 8 prunes. Minuit. 18. Biscuit. Cuisine. Suivi. Nuisible.